dans le YSL. J'suis heureux dans le décathlon. J'ai le monde de moi qui ne fait plus le temps d'un boum boum. Il est fait rouiller de mon temps qui ne fait plus le temps d'un boum boum. Remontez pas l'eau direct, ma vie de la bombe. Et comme ça m'est égal, je mettrai du plomb sur ma tombe. On a mélangé nos atomes, j'ai partagé tes émotions. Avant toi c'était les cartons, mais sur tout ça j'ai mis de la gomme. Remontez pas l'en direct, ta vie de l'enfant.